franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, plongée au cœur de la French Connection, l'une des plus grandes organisations de trafic de drogue du XXe siècle. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où Marseille était la capitale mondiale du trafic d'héroïne. Un temps où les parrains de la cité phocéenne, venus de Corse et d'Italie, régnaient en maître sur le monde de la blanche, gérant leur monopole comme on gérerait une multinationale d'import-export de dimension planétaire. Bien avant l'époque des cartels venus de Colombie et du Mexique, bien avant le règne d'un certain Pablo Escobar, ce sont les trafiquants français qui, pendant plus de 3 décennies, des années 40 à 70, deviennent les premiers fournisseurs d'héroïne aux mafias des États-Unis, inondant tout le marché américain. De New York à Miami, de Los Angeles à Boston, de San Francisco à Washington, on s'arroche à l'art à prix d'or la poudre blanche de qualité made in France. Alimentant fantasmes et spéculations, l'histoire de la French Connection reste une aventure complexe à explorer. Car il ne s'agit pas d'une seule et grande histoire, mais de plusieurs petites histoires qui se succèdent, qui s'entrecroisent et se rejoignent parfois. À chaque épisode, ces anecdotes, ces combines, agitant de multiples réseaux tissés entre Marseille et les États-Unis pour préparer, acheminer et distribuer les sachets d'héroïne. À chaque épisode, ces personnages hétéroclites, associant anonymes, personnages de la vie publique et figures du grand banditisme. Pour en parler après le récit, nous recevrons 2 invités, le journaliste Frédéric Ploquin et le réalisateur Julien Johan. Ils sont tous les 2 auteurs d'une série documentaire sur les coulisses de la vie politique et ses liens avec le milieu du grand banditisme, intitulé « Les gangsters de la République ». Cette série de 3 films sera diffusée dimanche soir, notez bien, le 9 octobre, à partir de 20h45 sur France 5. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Told by one of the NBC newsmen who was stationed at the rear of the National Assembly that they did in fact 20 février 1969, New York. Devant les vitrines des magasins d'électronique de la 5e avenue, une foule de badauds se presse devant les écrans de télé pour regarder le journal de la chaîne nationale NBC. Ce soir, le premier sujet porte sur la mort d'un homme d'une 40aine d'années. Sur les écrans apparaît son corps allongé sur le sol. Manche droite remontée, il gît, inanimé. D'un ton grave, le présentateur explique qu'on l'a retrouvé mort l'après-midi même. Puis, il ajoute que cet homme laisse une femme et 3 enfants. Depuis 6 ans, l'opinion publique américaine a appris à vivre avec les images de la violence, de la mort. À 13 000 km de là, en effet, dans les collines et les maquis du Vietnam, les GI s'enlisent dans une guerre devenue bourbier. Le conflit a déjà coûté la vie à plusieurs dizaines de milliers de soldats. Chaque semaine, la presse consacre des reportages à ces familles qui ont perdu un fils, un frère, un père ou un proche. Sans jamais s'y habituer, l'Amérique a tout de même appris à vivre avec les horreurs de la guerre. Mais ce 20 février 1969, les images que diffuse le journal de NBC, celles de ce père de famille mort une aiguille dans le bras, résonnent de manière particulière car elles ne viennent pas du Vietnam, non. Elles viennent d'ici, ici même, à New York, où un mâle ronge la ville de l'intérieur. Harlem. Ici, la précarité et le chômage atteignent des sommets. Tapis dans l'ombre des cages d'escaliers et des immeubles de briques rouges, se cache le fléau qui frappe l'Amérique, la drogue. Dehors, à quelques mètres de là, on croit ses victimes, des personnes plus ou moins jeunes, au regard livide, accro à l'héroïne, cette substance qu'on surnomme la blanche. Pour survivre et s'offrir leur dose quotidienne, ce qu'on appelle vulgairement les junkies, comprenez les camés en français, se livrent à des actes de délinquance et à toutes sortes de petits larcins. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ils essaient de survivre, sous dépendance. Jusqu'au soir où l'expérience d'un produit trop pur les condamne à mort ici et là sur le pavé froid des rues New York. phénomène marginal il y a quelques années encore, l'usage des drogues, et en particulier de l'héroïne, atteint désormais un seuil critique sur le territoire des États-Unis. Car ce ne sont plus seulement les étudiants protestataires, les hippies, les artistes de la mouvance pop qui consomment, non. Le spectre est beaucoup plus large désormais. D'ailleurs, à la télé, les reportages alarmants sur les ravages de la drogue auprès de la jeunesse américaine se succèdent. Regardez cet homme à la chemise bariolée. Regardez bien son geste vers la bouche. Balloon coming out through the fence, put it in his mouth. There's another one. Driving away. Keep it coming. Which way is he going? Going out on the house. Here comes this man was here earlier with the long red hair. Dans le caniveau, caché sous les détritus, la provision. Asking. Lui, c'est le vendeur, et voici le client qui approche. Our man is going in the house. He's putting balloons. Oh, he's got the stuff buried on the floor. Just put the balloons in his mouth. $50, c'est le prix d'une transaction. Cet objet qu'on cache dans la bouche est une dose d'héroïne, une dose de 1 gramme, emballée dans un petit ballon de caoutchouc. Elle est facile à avaler au cas où un policier se présente. On fait ainsi disparaître la preuve de la détention de drogue. Mais le ballon peut être récupéré, lavé, et la dose sera intacte. La scène que vous venez d'entendre se déroule dans une rue passante et commerçante de Harlem. À quelques mètres de là, une patrouille de la police new-yorkaise passe au ralenti. Les trafiquants d'héroïne disparaissent, puis reviennent quelques instants plus tard dans le champ de la caméra et ils reprennent leur trafic. En voix off, les journalistes expliquent que ce point de vente draine à lui seul entre 70 et 80 clients par jour. Ramenés à la centaine de lieux du même genre déjà identifiés par la police, ce sont donc entre 7000 et 8000 personnes qui s'injectent ou qui aspirent quotidiennement à New York une dose d'héroïne. Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé viennent rappeler ce constat dramatique. En 1969, New York est devenue la capitale mondiale de la consommation de drogue, talonnée de près par Los Angeles et Miami. Les États-Unis comptent à eux seuls un peu plus de 280 000 toxicomanes, soit plus que tous les autres pays du monde réunis. De leur côté, les morgues américaines se remplissent. On compte un peu plus de 10 000 décès par overdose, rien que pour cette année 69. Oui, la situation est critique. Le quotidien américain Washington Post conclut « Il y a davantage de décès chaque année aux États-Unis à cause de la drogue qu'au Vietnam à cause de la guerre. » Au même moment, de nombreux acteurs de la société civile s'interrogent. Qui est responsable de ce problème devenu au fil des années un enjeu majeur de santé publique? Qui importe l'héroïne aux États-Unis? Dans les bureaux des agents du BNDD, l'agence américaine en charge des enquêtes sur les trafics de produits narcotiques, on manque cruellement de moyens pour remonter le ou les filières du trafic. Certes, on arrête de temps à autre quelques petits passeurs, on emprisonne quelques petits revendeurs, mais il règne dans ce milieu une loi du silence bien difficile à briser. Par chance, un faisceau d'indices et un tissu de preuves concordantes vont bientôt aiguiller les enquêteurs dans une seule et même direction, la France. C'est l'arrestation rocambolesque d'un présentateur de télé français, un dénommé Jacques Angelvin, quelques années plus tôt à New York, avec 52 kilos d'héroïne pure dissimulée dans sa grosse berline Buick, qui avait mis les enquêteurs sur la piste d'un réseau venant de la France. Depuis, les affaires de drogue impliquant des personnes de nationalité française se sont multipliées. Ce qui pousse l'agent spécial John Cusack, chef du BNDD, à accuser la France d'être devenue la plaque tournante du trafic de drogue vers les États-Unis. Face à des journalistes de l'ORTF, il s'en explique. Nos enquêtes menées en commun avec la police française nous ramenaient toujours en France. Les passeurs qui transportaient la marchandise étaient français ou bien passés par la France. Les voitures étaient françaises. Les expéditions étaient organisées par des bandes de trafiquants français en liaison avec des bandes de trafiquants de New York. Comment donc ? Des trafiquants de drogue français qui alimenteraient le marché nord-américain et en particulier les États-Unis en héroïne ? Sur le vieux continent, les accusations du chef du bureau des narcotiques prêtent à sourire. Pour le gouvernement de Georges Pompidou, il s'agit, je le cite, de simples cas sporadiques qui ne traduisent en rien un phénomène global. Peut-être, mais les statistiques du FBI et de la police de New York sont formelles. 80% de l'héroïne consommée chaque jour sur le territoire des États-Unis viendrait bien de France et en particulier de Marseille. Les Américains en sont tellement convaincus qu'ils ont même surnommé ce réseau la French Connection, la filière française. Alors, si tel est le cas, qui sont ces trafiquants venus de France? Pourquoi les Américains sont-ils persuadés que la ville de Marseille est devenue la plaque tournante? Et comment Français et Américains vont-ils enrayer le phénomène? Juin 1969, Marseille. Sur les docks du plus grand port de marchandises en France, arrivent chaque jour des dizaines de navires avec leurs cargaisons en tout genre, provenant du monde entier. Dans ce flot ininterrompu de chargements et de déchargements de camions et de grues, on se livre depuis des décennies à tous les trafics. Au début du siècle, à la grande période des compagnies de navigation marseillaises et de la colonisation en Indochine, les marins corses arrondissaient leur fin de mois avec de petites combines, revente de nappes brodées, de services en porcelaine, de quelques pièces rares et parfois d'un peu de pavot, d'opium et de morphine, trois substances liées les unes aux autres par une histoire commune. Démonstration avec ce policier de la brigade des stupes. Voilà, pour commencer, si vous voulez, quelques deux, trois petites fleurs de pavot, là, desséchées. C'est de la sève de ces plantes que l'on tire. Cette espèce de produit brun noirâtre qu'on appelle l'opium. Et c'est sur place, soit en Turquie, Syrie ou Liban, que les trafiquants, dans des ateliers artisanaux, arrivent à transformer, à tirer de cet opium cette substance de base qu'on appelle la morphine. C'est de cette façon-là que la morphine, que nous appelons la morphine base, est exportée depuis le Moyen-Orient et arrive à Marseille. Pendant près d'un siècle, l'État français possède le monopole sur la vente de l'opium et de la morphine. Il en crée même une régie à Marseille. La morphine, puissante antidouleur, sert alors à alimenter tous les hôpitaux de l'Hexagone. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la mise en place de nouvelles directives internationales, la France abandonne progressivement son commerce. Voyant là une opportunité à saisir, le milieu corse reprend le flambeau. En s'associant avec des parrains marseillais, surtout avec les membres de la mafia sicilo-américaine, il donne naissance au milieu des années 40 à ce qu'on appelle alors la Corsican Connection, une association de malfaiteurs de la drogue qui deviendra très vite la French Connection. Dans les années qui suivent, Marseille devient donc la plaque tournante d'un réseau dirigé par les frères Guérini, Antoine et Barthélémy, Franck Spirito, Jean-Baptiste Croce, Nick Venturi, Jean-Claude Kella, des individus liés aux grands parrains de la mafia aux États-Unis, un certain Lucky Luciano. Mais alors, pourquoi ce choix de Marseille? Certes, il y a l'héritage historique et colonial de la cité phocéenne, mais, comme l'explique le commandant du SRPJ, Fernand Mathieu, sa ville possède deux atouts pour les trafiquants. Marseille et sa région, géographiquement, est un endroit idéal. Car il faut bien comprendre que le contexte dans lequel nous travaillons est favorable à la pègre, particulièrement défavorable à la police. Ceci tient à deux raisons essentielles, à la situation géographique de Marseille avec son port, à la campagne provençale, parsemée de villas discrètes. Les villas discrètes, des endroits qu'on surnomme aussi les laboratoires. C'est là qu'on achemine la pâte de morphine basse provenant de Turquie ou de Syrie. C'est là que des chimistes de talent, comme un certain Joe Cesari, la transforment en poudre d'héroïne. Et ce qui fait très vite la réputation de cette blanche made in Marseille, c'est son niveau de pureté qui bat à plate couture toute la concurrence. Car qui dit produit pur, dit possibilité pour les trafiquants de le couper avec d'autres substances et donc d'augmenter les bénéfices à la revente. Artisanal et aléatoire au milieu des années 50, le trafic des parrains corses et du milieu marseillais s'améliore et bascule au début de la décennie 60 dans une ère qu'on pourrait qualifier d'industrielle. À cette période, en effet, la drogue se négocie en centaines de kilos. À cette époque, la French Connection compte une multitude de réseaux plus ou moins organisés, plus ou moins professionnels. Quant aux méthodes de production, de transport et de distribution, elles atteignent des niveaux de cloisonnement et d'organisation proches du célèbre taylorisme des usines américaines du constructeur automobile Ford. tout cela, bien sûr, sur fond d'omerta, la fameuse loi du silence. Une fois l'héroïne préparée et empaquetée dans des sachets à Marseille, le grand défi pour les trafiquants consiste alors à l'envoyer aux États-Unis, pays où l'attendent quelques dizaines de milliers de consommateurs, tous accros à leur dose quotidienne. Pour réussir une telle opération de transport, les gars de la French, on va le voir, ne vont pas manquer d'idées. Convoyer de la drogue, toutes les méthodes sont bonnes du moment que vous ne vous faites pas prendre, aimait à rappeler Antoine Guérini, l'un des parrains marseillais du trafic d'héroïne. Bien. Mais il faut trouver des passeurs, malins, habiles, bref, compétents. La plupart d'entre eux seront sélectionnés dans les rangs du grand banditisme, logique. Ce sont d'anciens braqueurs de banque, cambrioleurs de haut vol, des hommes qui n'ont pas peur de prendre des risques quand l'enjeu et la rémunération sont à la hauteur. Face à la caméra de l'ORTF, l'un d'entre eux, un dénommé Richard Berdin, raconte comment il est devenu lui-même un passeur. Comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec les milieux de la drogue? Comment est-ce que ça se passe? Pour moi, c'était, disons, relativement facile, parce que j'étais associé avec un Marseillais qui était lui-même en contact avec des trafiquants de drogue. Ils en étaient au stade des débuts, et ce qu'ils cherchaient, c'était des passeurs. Et pour recruter des passeurs, il faut surtout s'adresser à une certaine catégorie de gens ayant une certaine surface, pouvant être amenés à se déplacer avec des voitures de luxe, ce qui sous-entendait une certaine position sociale. Et ces gens savaient que j'étais en mesure de recruter des passeurs. Est-ce que vous aviez à l'époque une idée de la réalité du marché de la drogue aux États-Unis, ce marché vers lequel vous exportiez une certaine quantité d'héroïne? Même si ça paraît difficile à croire, je dois dire que non, pas complètement. Si vous voulez, c'était une sorte d'abstraction. On se passait les valises et puis, bien sûr, on savait que c'était pas très moral et que ça causait peut-être des dégâts en Amérique, mais l'Amérique, c'est loin. Et puis, étant donné qu'on n'avait pas le même problème en France, je dois dire que non. Si je vous demande, à brûle pour point, quelle quantité d'héroïne vous avez fait passer, aider à faire passer ou fait passer vous-même en Amérique? Je pense que ça devrait être aux alentours de 700 ou 800 kilos. Comme Richard Berdin, ils vont être plusieurs dizaines à faire des allers-retours entre la France et les États-Unis. Parmi eux, d'anciens membres des services de renseignement, mais oui, des prostituées, un ancien pilote de rallye et même un animateur de télé, le dénommé Jacques Angelvin, celui qui sera arrêté à New York en 62 avec sa Buick remplie de cam. C'est cet épisode qui mettra la puce à l'oreille de la police américaine sur l'existence d'une filière française. Au début, les passeurs voyagent avec une veste doublée à l'intérieur où se logent les sachets d'héroïne, 2 à 3 kilos de poudre par voyage. Puis très vite, on installe la marchandise dans une valise à double fond. On embarque alors 7 à 10 kilos d'héroïne. De fil en aiguille, les contrôles étant si faibles et la demande si forte, les trafiquants viennent à dissimuler la drogue dans les voitures, souvent dans des Citroën DS, double fond dans le coffre, sous la carrosserie ou encore dans les pneus. On passe alors près de 80 kilos pour chaque traversée de l'Atlantique. Et pour ne pas éveiller les soupçons des autorités américaines et de la douane, les gars de la French Connection ont tout prévu. Les voitures pleines d'héroïne partent de Marseille pour rejoindre l'Espagne ou le Portugal. De là, elles embarquent sur de gros cargos et débarquent, après une traversée de plusieurs jours, avec escale dans les ports du Mexique ou du Canada, là où les contrôles sont quasiment inexistants. Ensuite, il suffit de rejoindre les États-Unis. Arrêtons-nous un instant sur le Canada, destination préférée de l'un des plus gros passeurs de la French Connection, un chanteur de cabaret d'une trentaine d'années qui répond au nom d'Edmond Taillé. Pendant plusieurs années, ce personnage utilise ses fréquentations, en majorité des jeunes femmes québécoises, qui servent de mules, c'est-à-dire qui transportent la drogue entre l'Europe et l'Amérique. Le système est rentable, mais pas assez performant, il faut donc passer à la vitesse supérieure. En 1969, Taillé réalise l'un de ses plus gros coups. Alors que Johnny Hallyday part en tournée au Québec, il cache dans les sonos du chanteur près de 200 kilos d'héroïne. Transporté par avion, le matériel acoustique arrive sans encombre à l'aéroport de Montréal. De là, avec l'aide de complices, Taillé ouvre les sonos et récupère les centaines de sacoches pleines de poudre. Il les charge dans une voiture et roule toute la nuit en direction des États-Unis. Là-bas, l'attendent ses distributeurs. Taillé repart quelques jours plus tard de New York par avion avec pour seul bagage 2 mallettes en cuir contenant chacune plusieurs centaines de milliers de dollars produits de la vente de l'héroïne. C'est cet argent qui va permettre à ses patrons d'acheter des hôtels, des restaurants ou encore des discothèques sur toute la Côte d'Azur et même quelques luxueux appartements parisiens avenue des Champs-Élysées. Le reste du magot, lui, ira dormir en Suisse, là où des banquiers élevés aussi discrets qu'efficaces sauront le faire fructifier. Ainsi va le blanchiment de la blanche. À l'été 1969, les différents réseaux d'héroïne de la French Connection atteignent des profits records. On part alors d'une livraison annuelle de près de 50 tonnes, soit l'équivalent de 3 semi-remorques, du jamais vu dans toute l'histoire des trafics. De leur côté, les laboratoires marseillais, aménagés parfois dans des caves de résidence ou des cabanons de montagne, tournent à plein régime pour fournir toujours plus de poudre. Une production intensive pour une activité en pleine croissance. Les voitures de la French, quant à elles, sillonnent les mers sur des bateaux, puis filent à toute vitesse sur les routes américaines pour approvisionner presque chaque semaine les réseaux mafieux outre-Atlantique. Comme l'explique Anthony Paul, le chef du bureau des narcotiques de New York, très en colère, la lutte de la police est vaine tellement l'activité autour de l'héroïne est lucrative. C'est un commerce. C'est un commerce. Il y a des sommes monumentales qui sont engagées là-dedans. Comprenez bien, le trafiquant, celui qui vend la drogue, celui qui vend de l'héroïne, il ne le fait pas pour que les gens s'intoxiquent. C'est pas par raison humanitaire, pour que les gens aient un moment d'euphorie qui vendent la drogue. Mais non, c'est pour le fric. Et il y a du fric là-dedans. Il y a des millions qui se promènent de main en main. Il n'y a pas tellement longtemps de ça, un juge à Boston avait fixé une caution de 250 000 dollars, deux fois 500 000 dollars. On lui a mis un chèque sur la table, 500 000 dollars. Vous les avez, vous, les 500 000 dollars ? Jusqu'en 1969, les trafiquants marseillais et corses ne craignent ni l'État français, ni la police de l'Hexagone, et ce, pour une raison très simple. La drogue n'est pas un problème de santé publique, ici, en France. Les faits divers, les histoires de vols, de meurtres et d'overdoses liées à la drogue se déroulent uniquement aux États-Unis, voyons. Dans Paris, le bruit court même que les gaullistes au pouvoir considèrent préférable que la drogue circule et tue aux États-Unis plutôt qu'en France. Dans ce scénario qui semble tout tracé pour permettre à la French Connection de continuer ses affaires en toute impunité, un événement de l'actualité va pourtant brusquement changer la donne. À Bandol, le 26 août 1969, une adolescente de 17 ans est retrouvée morte dans les toilettes du casino de la ville. L'affaire n'intéresse personne. Jusqu'au moment où l'on découvre que la victime est morte d'une overdose d'héroïne. Son assassin, un jeune homme de 25 ans qui lui a vendu une dose pour 25 francs. La presse fait ses gros titres sur l'affaire. Les médias embrayent et consacrent de plus en plus d'émissions toujours sur la drogue, tirant ainsi la sonnette d'alarme. Pour la première fois, les téléspectateurs français découvrent la réalité de la consommation d'héroïne made in France. Des images qui provoquent un choc dans l'opinion. Vous faites combien de prises par jour? Combien de prises par jour, c'est ça? Trois fois par jour. Trois fois par jour? Oui, oui. Combien ça, ce petit sachet que vous avez? C'est, coûte, Chien, c'est cher? Et 500 francs. 500 francs. Il y a combien de grammes, là? Et une gamme ou deux grammes. Et vous achetez ça avec qui? Et arabes. Des arabes? Oui. Vous en connaissez plusieurs? Oui. Il fait... Se cache. Oui. L'affaire de Mandol entraîne avec elle une prise de conscience autour du manque de moyens dont dispose la police pour arrêter les trafiquants. Pour une zone qui va de Nice jusqu'à Perpignan, la brigade des stupéfiants basée à Marseille dispose seulement de 9 fonctionnaires à temps plein. Quant aux moyens de surveillance et d'écoute, ils sont inexistants. Que faire dans ces conditions ? De l'autre côté de l'Atlantique, un homme est prêt à aider les policiers français et mettre à leur disposition des moyens, justement, pour enrayer le commerce de la drogue. Cet homme, c'est le président des États-Unis, Richard Nixon. Ladies and gentlemen, I would like to summarize for you the meeting that I have just had with the bipartisan leaders, which began at 8 o'clock and was completed 2 hours later. America's public enemy number one is drug abuse. Le 17 juin 1971, à la Maison-Blanche, Nixon déclare la toxicomanie ennemi public numéro 1 aux États-Unis. Dans les jours qui suivent, son administration part donc en croisade contre la drogue et présente un programme pour enrayer le ravage de l'héroïne. Une lutte qui, contrairement aux apparences, possède un double enjeu pour le président américain. Il s'agit d'abord de mettre un terme à des statistiques devenues toujours plus effrayantes en matière de mortalité par overdose chez les jeunes. Et de mettre un terme à un trafic dont on estime les montants à plusieurs centaines de millions de dollars par an, une sorte d'économie parallèle dont les bénéfices remplissent les poches de la mafia plutôt que celles de l'État. D'un autre côté, cette grande opération anti-drogue est un couvre-feu politique, un contre-feu politique parfait pour faire oublier à l'opinion publique américaine la situation catastrophique de son armée au Nord-Vietnam. Voilà pourquoi Nixon veut agir vite. Il le sait, il doit éradiquer les réseaux des parrains en Europe, autrement dit, à la source. Voilà plusieurs années que le président américain bataille avec les responsables politiques français qui, eux, sortent la carte de la non-ingérence sur leur territoire. Face au général de Gaulle, personnage auréolé du prestige de son rôle pendant la guerre, le président Nixon ne pouvait rien faire sur la scène diplomatique. Mais avec son successeur, Georges Pompidou, il entend bien faire plier Paris et l'obliger à intervenir à ses côtés pour lutter contre le fléau de l'héroïne. C'est dans ce contexte que la France et les États-Unis signent à Paris un accord de coopération. Accord dont le ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin, n'est pas peu fier. Il était très important que les polices américaines et les polices françaises, qui ont fait de très grands progrès les unes comme les autres dans la lutte contre la drogue, puissent agir ensemble. Et une chose qui est aussi très importante actuellement, c'est que le renforcement qui a été fait des peines contre les trafiquants, et qui fait qu'on peut, à un trafiquant primaire, infliger 20 ans de prison, que d'autre part la police a la possibilité de perquisitionner de jour et de nuit en ce qui concerne les drogues, et que d'autre part on a vu la garde à vue prolongée de 4 jours, a créé une très très grande inquiétude chez les trafiquants, et je suis persuadé qu'en resserrant les taux comme nous le resserrons actuellement, ils estimeront que le territoire français n'est vraiment pas un territoire très propice au trafic des drogues. Historique à plus d'un titre, l'entente reste malgré tout fragile. D'autant plus que quelques mois plus tard, la police américaine arrête un Français du nom de Roger Delouette. À bord de son combi Volkswagen, les policiers découvrent 41 kilos d'héroïne. Lors de son interrogatoire, il explique que son commanditaire n'est autre qu'un responsable du SDEC, les services de renseignement français dont lui-même faisait partie dans le passé. L'affaire évidemment fait grand bruit en Amérique et la polémique enfle. place Beauvau à Paris, au ministère de l'Intérieur, le président Pompidou appelle son ministre et lui confie une mission de la plus haute importance pour la France et le gouvernement, sauver la face sur la scène internationale. Dans les semaines qui suivent, la brigade des stupes de Marseille voit ses effectifs multipliés par 10, passant de 9 à 91 fonctionnaires. À sa tête, Raymond Marcellin envoie deux super flics, les commissaires Marcel Morin et François Lemoelle, qui se lancent immédiatement dans la chasse au laboratoire clandestin. La nouvelle équipe investit les rues de la cité phocéenne à la recherche d'indicateurs. Elle travaille également en immersion dans le port. La ville est désormais quadrillée, les conversations téléphoniques écoutées, les filatures s'enchaînent. Mireille 4 à Mireille 10, Mireille 4 à Mireille 10, cette fois en place, à vous. Allô, Mireille 10 à Mireille 4, j'arrive à l'instant en place, à vous, terminé. Mireille 4 à Mireille 10, je vous signale 403 90 74, direction boulevard de la Major, angle rue Jean-François Lecard. Ok. Très vite, on établit un listing de tous les trafiquants travaillant de près ou de loin avec les milieux corses et marseillais. Pour montrer les efforts entrepris par la police, on appelle la télé et la presse. Savoir-faire et faire savoir. Journalistes et caméramans sont donc invités à suivre les enquêtes et les arrestations de trafiquants, comme ici ce que vous venez d'entendre, ça se passait à Marseille. En l'espace de quelques mois, la brigade des stupéfiants met ainsi au jour des dizaines de laboratoires. Craignant d'être découverts, certains trafiquants délocalisent leur production ou fuient tout simplement à la région de Marseille. Dans le même temps, les arrestations grimpent en flèche. De 57 en 1970, elles passent à plus de 3000 en l'espace de 2 ans. Au palais de justice de Marseille, c'est le juge Pierre Michel, celui-là même qui sera assassiné en 1981, qui œuvre personnellement pour qu'aboutissent chacune des procédures ouvertes à l'encontre des parrains du milieu. Aux États-Unis, la plupart des réseaux de drogue liés à la mafia sont démantelés grâce aux témoignages de trafiquants français désormais repentis pour éviter la prison. La filière française, celle qu'on appelle la French Connection, est progressivement décapitée. Certains de ses grands parrains, comme Jean-Baptiste Crochet, sont incarcérés à la prison des Baumettes. Certes, il reste toujours ici et là de la drogue. À Marseille, le trafic n'a pas totalement disparu, mais elle a perdu de son ampleur et il en sera ainsi jusqu'à la fin de la décennie 70. Dans les années qui suivent, les mafias siciliennes reprennent le business de la blanche, débauchant d'anciens chimistes de Marseille, et le trafic entre l'Europe et les États-Unis reprend de plus belle. On parlera alors de Pizza Connection. Entre-temps, des milliers de consommateurs ont terminé aux États-Unis et ailleurs entre 4 planches, toutes blanches. La French fera reparler d'elle au cinéma sous l'œil de la caméra de William Friedkin avec Gene Hackman dans le rôle du détective américain James Popeye Doyle et Fernando Rey dans le rôle du parrain français Alain Charnier. Film d'un réalisme bluffant qui se termine sur une morale. À la fin, c'est toujours la justice qui gagne. Hi, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall. Come on, move. Move. Come on, sweetheart, move. Come on, move. Face the wall. All right, come on. Hand face the window. Move. Face the wall. Turn around there. Turn around. Move. Pick it up. Hands up. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi c'est idem, que ça te plaise ou non. je te le rejoue quand même. Pauvre con. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même pauvre con. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la French Connection, et aujourd'hui, deux invités, le journaliste Frédéric Ploquin, bonjour. Bonjour. Et le réalisateur Julien Jean, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux auteurs d'une série documentaire sur la sphère politique et ses liens avec le grand banditisme, série intitulée « Les gangsters et la République », et non pas « De la République », parce que c'est pas forcément les mêmes, ceux-là. Hein. Voilà, trois films qui seront diffusés dimanche soir, donc le 9 octobre, à partir de 20h45. Sur France 5, voilà, le rendez-vous est pris. J'en profite pour signaler aux auditeurs que vous, Frédéric Ploquin, vous êtes aussi l'auteur d'un livre intitulé « Les gangsters et la République », dans lequel vous revenez sur le grand banditisme autour du triptyque « Sexe, drogue et jeu d'argent » édité chez Fayard. Alors d'abord, et au-delà de la French Connection, c'est quoi ces liens quasi organiques entre le pouvoir politique et le grand banditisme, Frédéric Ploquin? Bah écoutez, c'est là on a beaucoup parlé de Marseille parce que le Marseille c'est un peu le chaudron français de ces liens. Nous dans notre enquête, on essaie de nous montrer comment finalement la matrice de tout cela, c'est à la fois effectivement Marseille où on a un maire Gaston Defer qui au sortir de la guerre et de la résistance a conquis la ville d'une certaine manière les armes à la main. Et surtout main dans la main avec des voyous. Il la conquiert comme ça et pendant des années, il va tenir Marseille de cette façon-là, c'est-à-dire en alliance totale avec les gangsters. Donc en fait, ce qu'on raconte dans cette série, c'est comment la collaboration, la résistance, l'occupation a permis de s'épanouir, a permis une forme de... C'est la matrice, on va dire, voilà. C'est la matrice de ces relations incestueuses. C'est-à-dire que pendant l'occupation, vous avez l'occupant allemand, nazi, qui va s'appuyer sur les gangsters pour contrôler la police. Donc, notamment rue Lauriston. Il y a une espèce d'inversion totale des valeurs. Tout à fait. Et cette inversion totale des valeurs va être un venin inoculé dans la 4e et dans la 5e République. Et ce qu'on essaie de démontrer, c'est que ça va perdurer jusqu'à aujourd'hui sous différentes formes. Parce qu'en réalité, les voyous, c'est bien commode. Je veux dire, quand vous êtes aux commandes, quand vous dirigez politiquement un pays, les voyous, ça rend beaucoup de services, ça peut faire les basses besognes. Le voyou n'a pas peur. S'il faut tuer quelqu'un, il peut le faire. S'il faut transporter de l'argent en espèces, il peut le faire. Et c'est la base de tous ces services rendus à l'ombre du drapeau, soi-disant au nom du drapeau. Mais chacun sait que finalement, ce qui rapproche les politiques et les voyous, c'est peut-être la soif du pouvoir et l'ambition. Mais autant l'homme politique, lui, va se droguer au pouvoir d'une certaine manière, autant le voyou, lui, sa drogue, ça a toujours été l'argent. Et c'est un peu là, pour rebondir sur la French Connection, c'est vraiment typiquement, si vous voulez, les voyous à Marseille, ils sont chez eux. Ils tiennent pour le compte de la mairie le territoire et notamment le port. Ils contrôlent le port, donc ils font à peu près ce qu'ils veulent. Vous parlez au présent? Je parle au présent, mais j'évoque ce passé. La présente narration, parce que j'en viens à ma question. Oui. Est-ce que ce présent de narration qui nous renvoie au passé, on pourrait l'employer pour un présent? Absolument, nous tirons le fil, si vous voulez, au travers un demi-siècle de services rendus jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on démontre, si vous voulez, c'est que ce qui se passe dans certains quartiers abandonnés de la République aujourd'hui, je parle des cités, oui, avec le nouveau milieu, le milieu de la drogue, est assez similaire à ce qu'on vient de décrire concernant les années 50-60, c'est-à-dire que vous avez cette même obligation pour l'élu aujourd'hui qui veut tenir son territoire, qui veut se faire réélire sur ce territoire, qui veut pouvoir faire campagne tout simplement dans ces cités où normalement il a à peine la possibilité de marcher tranquillement dans les rues. Il a besoin de passer des alliances avec les caïds. Et ce modèle-là, c'est ce modèle breveté, si vous voulez, à la sortie de la guerre par Gaston Defer, qui perdure et qui se développe au sein en France jusqu'à présent. Julien Jean, dans votre documentaire, on découvre pour la première fois les visages de personnes qui jusque-là ne s'étaient jamais exprimées face à une caméra. Je pense à William Perrin, dit le grand, un ancien braqueur reconverti dans le trafic d'héroïne pendant les années de la French Connection. Il y a aussi un autre homme du nom de Tony Languille, dont le témoignage interpelle. Comment avez-vous réussi à les approcher? Comment on approche les gens de ce milieu si fermé par définition? En travaillant avec quelqu'un comme Frédéric Ploquin déjà, qui les connaît depuis. J'aurais pu vous poser la question, je fais parler tout le monde. Il les connaît depuis très longtemps et donc il a leur confiance. Ceci dit, moi je ne les connaissais pas, donc eux ne me connaissaient pas non plus. Et ça n'a pas été facile tous les jours. C'est-à-dire qu'on faisait souvent les interviews à deux. Frédéric commençait les interviews, et puis au bout d'un moment, je prenais le relais. Et il y en a un, par exemple, à un moment, je lui dis, si vous vous adressiez à quelqu'un comme moi qui ne vous connaît pas, comment vous vous décririez? Et il me regarde droit dans les yeux, et il me dit, je parle pas aux gens que je connais pas. Ça commence bien. Donc là, je me suis dit, l'interview est mal engagée. Mais finalement, je crois que ce qui les a le plus convaincus de participer au projet, c'est qu'on leur a dit, pour une fois, vous n'êtes pas sur le banc des accusés. Pour une fois, vous êtes des témoins. Et nous, ce qu'on met symboliquement sur le banc des accusés, ce sont les hommes politiques. Donc on a besoin de vos lumières, de votre éclairage, pour savoir un peu comment ça se passe. Et ça, je crois que ça leur a énormément plu. Ça les a fait un peu sourire, de pour une fois pouvoir juger ceux qui les jugent en permanence pendant toute leur carrière. Alors, toujours dans les coulisses, oui, Frédéric Planquet. Non, juste compléter chose, en disant que, effectivement, pour amener ces personnages face à la caméra, c'est 20 ans de relations et d'enquêtes. Ce sont des gens que je suis allé voir des dizaines de fois lorsqu'ils étaient en prison, leur rendre visite. Ce sont William Perrin, avant qu'il vienne s'asseoir face caméra et qu'il ait ce discours assez sans langue de bois. Ça fait 40 fois que je déjeune ou que je dîne avec lui ça à peu prépare, près. Et le jour, 40 fois, et plusieurs années, et le jour où il arrive, on allume les caméras, etc. Quelque part, l'idée, c'est ce qu'on a réussi à faire, je crois, c'est qu'ils ont oublié la caméra et on a continué, j'ai continué avec eux, nous avons continué avec eux cette discussion, les yeux dans les yeux. Moi-même, j'ai oublié qu'on filmait et eux aussi. Et c'est ce qui rend cette parole très, très, très étonnante et très forte. Dès le premier volet, Julien Jean, de votre série, il y a cette interview de Charles Pasqua. Alors, je crois que c'est la dernière que l'ancien ministre de l'Intérieur a donnée, c'est ça? C'est la toute dernière. À ma connaissance. Alors, Pasqua, j'allais dire, c'est l'un des personnages principaux d'Affaires Sensibles, on le retrouve souvent, mais pas forcément en position d'accusé. Mais enfin, il est là, comme ça. C'est l'un des grands personnages. Parce qu'il était aussi ministre de l'Intérieur, c'était un homme influent en coulisses dans la politique. Bref, un homme dont les liens avec le milieu du banditisme ont toujours été, disons, évoqué à tort ou à raison, bien sûr. Pouvez-vous nous raconter, Julien Jean, la même chose, dans quelles conditions vous avez pu réaliser cette séquence avec lui? J'imagine qu'il a été... C'est plutôt vous, Frédéric Ploquin, qui avait interviewé. Julien... Pardon, j'essaie de vous faire parler. Mais... Non, mais il va... Julien réalise le film, et c'est vrai que Charles Pasqua, moi je suis journaliste depuis 30 ans, Charles Pasqua je l'ai connu en 1986 quand il était ministre de l'Intérieur, j'ai suivi toutes ses affaires, je lui ai beaucoup tapé dessus dans les différents journaux pour lesquels j'ai travaillé, l'événement du jeudi, Marianne, etc. Et je crois que c'est quelqu'un qui a fini par reconnaître qu'on pouvait lui taper dessus, en fait c'est quelqu'un qui aimait parler aux gens qui cognaient bien et juste. Et au bout du compte, ce travail d'enquête a duré 3 ans. Pendant à peu près 2 ans, il a refusé en disant « Mais non, attendez, le prochain procès, je suis pas encore jugé, telle affaire est pas finie, etc. » Et un jour, un beau jour, effectivement, et il se trouve que c'est 3 semaines avant de mourir, c'est lui qui m'appelle sur le portable en disant « Monsieur Ploquin, bonjour, c'est d'accord pour l'entretien, demain, à la bibliothèque ?» du Sénat. Évidemment, on a dit oui, on s'est organisé pour être là et on ne l'a pas regretté puisqu'il a disparu 3 semaines après. Alors peut-être qu'il le sentait, toujours est-il que je trouve que cet entretien contient une part de vérité, non, Julien? Oui, avec toujours cette façon de parler de Charles Pasqua, cette faconde. Il y a toujours ce petit sourire. Toujours. On est dans un espèce de jeu où il sait qu'il nous dit à moitié la vérité. Il sait qu'on sait qu'il dit qu'à moitié la vérité, mais en même temps, il s'en amuse. Et il en appelle à votre faculté de pouvoir traduire entre les lignes. Hein. C'est ça. Mmh. C'est quelque chose qu'il a intégré, je pense, pendant des années de carrière. Et c'est vrai, quand on se retrouve face à lui, c'est un peu impressionnant. Mais je me souviens d'une phrase où, par exemple, on lui demande est-ce que pendant la résistance, la République s'est appuyée sur des voyous pour gagner. Il dit non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. La République s'est dotée des moyens nécessaires lorsque son existence était menacée. Voilà, ce qui veut tout dire et rien dire. Hein, c'est traduire. En même temps une phrase très forte. Mais bien sûr. On va écouter un extrait de la troisième partie de votre documentaire dans lequel on est allé puiser sans complexe. Hein, puisque nous sommes ensemble. C'est 3 fois 52 minutes. C'est un honneur. C'était la carrière de l'Ibaba pour nous. D'accord. Troisième partie de votre documentaire où après un bref état des lieux de la situation, on entend le témoignage de Lucien Aimé Blanc de la Brigade des Stupes de Marseille. Pendant 10 ans, William Perrin et ses complices de la French Connection profitent de l'absence de coordination entre États. Les overdoses ont lieu aux États-Unis et les problèmes de santé publique ne dépassent pas les frontières. Et tant que les Américains ne tapent pas du poing sur la table, la police française ne s'intéresse pas réellement à ce trafic. Il n'y avait pas de problème de santé publique français, il n'y avait pas de consommation locale. Pratiquement pas, hein. Ça n'existait pas dans les années 60. Les gaullistes et le général de Gaulle disaient « Si on empoisonne les Américains, ça ne nous dérange pas. » Bon, dès qu'on était intervenu avec des moyens qui n'étaient pas des moyens extraordinaires, mais enfin des moyens quand même, bon, ils ont été décapités en l'espace de 4 ou 5 ans. Bon, ce qui est dit est assez glaçant et en même temps, c'est très intéressant. Alors donc, en France, à cette époque-là, on se cachait les yeux et on disait non, il n'y a pas de problème de drogue. Et puis bon, s'il y a de la drogue, vaut mieux que ça tue aux États-Unis qu'ici. C'est tout à fait véridique. Et ce qui est bien avec les policiers à la retraite comme Lucien Aimé Blanc, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre au niveau de la carrière et que donc ils nous disent la vérité. La vérité, c'est ce qu'ils suggèrent effectivement, c'est qu'à la fois ce que vous avez dit tout à l'heure, que Richard Nixon cherche à faire oublier la guerre du Vietnam et que le général de Gaulle, finalement, il a l'air de s'en foutre un peu de cette histoire de drogue, etc. D'ailleurs, la brigade des Stupes, vous le disiez vous-même, c'est une petite poignée de bons hommes à l'époque, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils étaient par ailleurs détestés de leur chef, quoi. C'est vraiment la matière subalterne. Si vous voulez, la police, pour elle, la belle matière, c'est de faire des beaux braqueurs. Les stupes, et d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est parfois un peu difficile, bien qu'ils ont compris qu'aujourd'hui les stupes étaient la clé de tout. Mais la transition pour la police judiciaire a été très longue et très difficile, parce que c'était pas une matière noble. Et par ailleurs, il y a ce qu'on suggère un peu dans cette enquête, c'est que on les a aussi un peu laissés faire, on les a laissés profiter du port de Marseille. Le port de Marseille, il n'est pas inintéressant pour la classe politique à l'époque, que les voyous contre les dockers. Les dockers, c'est le Parti communiste, la CGT. On est quand même dans une époque où les communistes sont, aux yeux des gaullistes, une menace pour le pays et pour eux-mêmes. Et donc, c'est une espèce de répartition des territoires. C'est-à-dire, on envoie un peu au front sur le port les voyous qui font un peu la loi, qui peuvent casser parfois un peu les dockers qui savent se bagarrer avec eux. Et la politique, à l'époque, elle se fait quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui, à coup de poing, parfois à coup de revolver. Alors, il y a une dimension aussi dans cette histoire, une dimension géopolitique que je trouve intéressante, hein, celle qui met en scène Richard Nixon, Georges Pompidou. Là, on est dans une négociation effectivement géopolitique à partir d'un ensemble de faits divers, de meurtres, de trafic. On en arrive à des enjeux vraiment géopolitiques. C'est-à-dire que derrière la géopolitique, c'est ça qui est intéressant. C'est dans le crime, c'est toujours comme ça. Le fait divers éclaire la politique, si vous voulez. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'écouter William Perrin, gangster, je dirais à la retraite, il a quand même 86 ans aujourd'hui, nous raconter comment il transférait l'héroïne jusqu'en Espagne, comment il recrutait des passeurs, comment ensuite il partait. Sur la fin, il partait en Amérique latine. Mais ça aussi, c'est l'histoire de France. C'est-à-dire qu'en Amérique latine, du côté de Buenos Aires et de Rio, étaient installés des voyous qui avaient collaboré. C'est pour ça qu'on en revient toujours à cette période et qui étaient partis se réfugier là-bas pour éviter la peine de mort. Et donc il y avait un noyau dur de Corse entre Rio et Buenos Aires qui réceptionnait la marchandise, et William Perrin à un moment donné part s'installer là-bas, et ensuite ils affrètent des petits avions qui remontent jusqu'en Floride. En Floride, ils louaient des grosses Cadillac, et ils nous racontent comment effectivement ils transportaient par 100-200 kilos dans le coffre de la Cadillac, dans une cantinière, l'héroïne jusqu'à New York. Mais c'est quand même une autre époque, c'est une époque où ils prenaient aussi l'avion à l'intérieur des États-Unis avec l'héroïne et des armes à la main. Des armes à la main, c'est-à-dire ils prenaient les avions intérieurs américains avec leur revolver quelque part et l'héroïne dans les bagages. Ça montre aussi, Julien Jouan, tout au long du récit, qu'on a quand même changé d'époque en termes de contrôle. Parce qu'on a l'impression que c'est une époque où on pouvait passer ce qu'on voulait n'importe où, n'importe quand. Hein. Pas presque, quoi. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec toutes les procédures de contrôle sur tous les déplacements des êtres humains sur cette Terre, notamment depuis le 11 septembre 2001, et pas seulement qu'avec les avions, j'imagine que ce genre d'activité est rendu plus difficile. Oui, enfin, en même temps, évidemment, mais si on écoute un peu les anciens trafiquants que nous avons rencontrés, ils nous disent tous que c'est tellement facile de faire passer ce qu'on veut. Ouais. En fait, c'était facile. Ils y arrivent encore. Je crois qu'ils y arrivent encore. Ils arrivent très, encore très, très, très bien. Oui. Dites-nous ça, parce que c'est intéressant. Il y a des tonnes de marchandises, de produits qui rentrent tous les jours sur le territoire français. Là. Et le commerce de la drogue ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Donc, effectivement, après la French Connection, il y a eu une espèce de une mobilisation politique pour faire plaisir aux Américains. On a gonflé la voilure de la brigade des stupes. On les a tous envoyés en prison. On a trouvé quelques balances. Ça a bien fonctionné. Mais c'est reparti de plus belle après. Et 10 ans après, même les acteurs de la French Connection s'y sont tous remis. Et aujourd'hui, c'est la principale source de revenus du crime organisé et des mafias dans le monde, c'est la drogue, et elle circule, elle passe les frontières, puisqu'elle est consommée, techniquement, elle est consommée par les consommateurs. Julien Jean. Ce que nous ont dit les trafiquants, c'est que le plus difficile, ce n'est pas d'acheminer la marchandise sur le territoire français. Le plus difficile dans le trafic de drogue, c'est que vous êtes obligé de travailler avec soit des mules, soit des complices, qui ne sont pas des membres, j'allais dire, officiels du milieu, et qui n'ont pas, comme ils le disent très bien eux-mêmes, la bonne mentalité. C'est-à-dire que si on les arrête... Ils balancent tout le monde. Ils peuvent balancer tout le monde. On va écouter un dernier extrait de votre série documentaire. Vous sonnez le Chaco, bien sûr. On va entendre Chaco. Alors, Chaco, c'est un trafiquant. Puis on entend un tour à tour. Hein. Alain Bauer, qu'on connaît bien, le criminologue. Et Nicolas Comte, ancien officier de police de Seine-Saint-Denis, qui explique qu'il existe effectivement une sorte de pacte de non-agression entre milieu du banditisme et le milieu politique. Et ils expliquent surtout pourquoi. L'occupation du terrain laisse place à la politique du chiffre. La police d'intervention de type BAC entre quelques minutes dans la cité pour appréhender le dealer et ressort avant que ça n'explose. Le souci qu'on a eu, c'était à l'époque de la BAC. Dès qu'on sentait qu'il y avait un flic qui allait un peu trop loin, très rapidement, sans l'insulter, sans lui courir derrière, on savait comment le ralentir un petit peu, quoi. Il fallait juste toucher directement le maire. Le rapport de force, c'est très simple. S'il veut faire de cow-boy, on va s'occuper de lui, mais on va aussi s'occuper de ta ville. Ça va plus être la ville fleurie, ça va être la ville d'autres choses. Voilà. Et les élections, c'est dans 2 ans, on s'en souviendra. Il est certain que les élus locaux ont un problème de paix sociale et d'image de leur ville. Et même s'ils ne sont pas directement connectés au crime organisé, ils n'ont pas intérêt non plus à ce que leur ville soit à feu et à sang. Donc ça pèse énormément sur le politique. Un certain nombre de maires de ces villes-là, à l'époque, ont une lourde responsabilité. Moi, j'ai souvenir de commissariats dans lesquels on était arrivé d'interpeller des gens et d'avoir des maires qui déboulaient au commissariat pour exiger la libération d'un certain nombre de personnes. Et ben voilà, tout est dit, c'était un élément d'information important, on n'a pas le temps de le commenter. Je voudrais savoir ce que vous pensez tous les deux, parce que c'est intéressant. Peut-être que certains auditeurs vont se dire, tiens, si on voyait le film French Connection, après tout, après avoir entendu ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce film, Frédéric Ploquin? C'est la fiction, nous on est dans la réalité. Oui, mais enfin bon, c'est une fiction qui s'éloigne trop de la réalité pour vous. C'est une fiction qui s'inspire, mais quand vous connaissez bien, quand vous connaissez les gens, les acteurs, les véritables acteurs, si vous demandez à William Perrin ou à Tony Langui ce qu'ils en pensent, ouais, c'est ça, bien sûr. Bon. C'est pas tout à fait la réalité. Julien Jouan, pardon, sur ce même film, quelle est votre opinion? Moi, je voudrais pas contredire Frédéric, mais je crois qu'il y a quand même une portée documentaire dans ce film-là qui explique quand même assez bien comment ça se passait, en tous les cas sur le territoire américain, puisque le French Connection, le 1, ne se passe qu'aux États-Unis. Bien, bon, vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là, pas grave. Au moins, moi, je rappelle que Les Gangsters et La République sera diffusé donc ce dimanche soir, 9 octobre, à partir de 20h45 sur France 5. Merci messieurs, au revoir. Merci. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la French Connection, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le voyage de Kadhafi à Paris.